إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه الجلسة 12 من مجالس شهر رمضان وقد تحدثنا في الجلسة الماضية عن مفطرات الصوم وذكرنا أنها 7. Ceci est donc la 12e assise des assises du Ramadan. Lors de l'assise précédente, nous avions traité des annulatifs du jeûne qui sont au nombre de 7. Qui peut nous les rappeler? Le premier qui est Naam, le rapport intime. Le deuxième, l'éjaculation de façon volontaire. Naam. Ensuite, la troisième, le fait de manger et de boire. Le quatrième annulatif, tout ce qui est assimilé à la nourriture et à la boisson. Le cinquième annulatif, qui est la hijama, la saignée. Le sixième, qui est le fait de vomir volontairement, de se faire vomir. Et le septième annulatif du jeûne, c'est l'apparition du sang des menstrues ou bien des lochis. واليوم سنتحدث عن شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم. Et aujourd'hui, بإذن الله تعالى, nous allons voir les conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, l'annulatif du jeûne est pris en compte. Nous allons voir également ce qui n'annule pas le jeûne et ce qui est autorisé aux jeûneurs de faire. Concernant les annulatifs du jeûne que l'on a cité, hormis l'apparition du sang des menstrues et des lochis, à savoir le fait d'avoir un rapport intime avec son épouse, le fait d'éjaculer que cela soit causé par des embrassades ou des caresses, le fait de boire et de manger, et tout ce qui est assimilé à la nourriture et à la boisson, la saignée et le fait de vomir, tout ceci n'annule le jeûne. لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا فهذه شروط 3. Tous ces annulatifs sont effectifs lorsque le jeûneur les accomplit en connaissance de cause, en étant conscient et en le voulant, et en étant consentant. Ce sont donc 3 conditions qui doivent être réunies pour qu'un annulatif que l'on a cité, hormis l'apparition du sang des menstrues et des lochis, soit effectif et que le jeûne soit annulé. Il faut que la personne sache, il faut qu'elle soit consciente et il faut qu'elle le fasse avec son consentement. Et l'on va expliquer, inshallah ta'ala, les différentes conditions les unes après les autres. أما الشرط الأول أن يكون عالما فإذا كان جاهلا لم يفطر لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. La première condition donc, c'est de le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire de le savoir. celui donc qui accomplit un annulatif du jeûne sans savoir que c'est un annulatif du jeûne, eh bien, le fait de l'avoir commis n'annule pas le jeûne. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Baqarah, dans le sens, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant, قَدْ فَعَلْتُ, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. C'est-à-dire, je fais ainsi. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla ne tient pas rigueur des erreurs qui sont commises par ignorance. Bien sûr, il y a des cas particuliers, mais ceci est une règle générale et comme toute règle, il y a des cas particuliers. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ahzab, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ceci, quel que soit le type d'ignorance, que la personne ne sache pas que tel et tel acte fait partie des annulatifs du jeûne, ou que la personne était ignorante du moment dans lequel il a accompli cet annulatif. Soit la personne, par exemple, ne sait pas que le fait de se faire vomir volontairement annule le jeûne. Il ne savait pas. Ici, son jeûne n'est pas annulé. Également, le fait que il sache que le fait de se faire vomir volontairement annule le jeûne, mais il l'a fait dans un moment qu'il pensait être autorisé. Il l'a fait en pensant que l'aube n'était pas encore apparue. Ou il l'a fait en pensant que le soleil s'était couché. Mais il s'est rendu compte par la suite que ni que l'aube a apparu ou que le soleil s'est couché. Ainsi, lorsqu'il est ignorant du jugement de l'acte en soi, cela n'est pas pris en compte. De même, lorsque il ne savait pas qu'il était dans ce moment où il devait jeûner, à savoir en pensant que l'aube n'était pas encore apparue ou en pensant que le soleil s'était couché. La preuve est le hadith de Adi ibn Abi Hatim, de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل متفق عليه فقد أكل عدي بن بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. Le hadith de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Lorsque la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Al-Baqarah a été révélée, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil noir du fil blanc. Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a dit, j'ai alors pris deux cordes, l'une noire et l'autre blanche, que j'ai placées sous mon oreiller et lesquelles je regardais. Lorsque je faisais la différence entre la corde blanche et la corde noire, alors je m'arrêtais de boire et de manger. Et un matin, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai informé de ce que je faisais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: Inna wisadaka idhan la'arid. Que ton oreiller, comme ton oreiller est large. Comme ton oreiller est large. Ici, les savants ont expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que le prophète alayhi salatu wa sallam ici a utilisé le terme oreiller pour signifier le sommeil. Et pour dire à Adi ibn Hatim que, mashallah, tu dors beaucoup. Si pour toi l'aube, c'est le fait de distinguer le fil blanc du fil noir, alors tes nuits sont longues et ton sommeil est long aussi. Cela signifie que si l'on se fie uniquement à distinguer le fil blanc du fil noir, l'entrée de l'aube, lorsque l'aube apparaît, il fait sombre encore. Il fait sombre. Et c'est au fur et à mesure que le soleil, que l'aube grandit et que le soleil s'apprête à se lever que le jour apparaît. Autrement dit, Ali ibn Hatim radiallahu anhu, arrêtez de boire et de manger bien après l'aube, bien après l'apparition de l'aube. C'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui est voulu par ce verset, c'est la blancheur de la journée et la noirceur de la nuit. C'est la blancheur du jour et la noirceur de la nuit. Ainsi, Adi ibn Hatim radiallahu anhu mangeait de façon certaine après l'apparition de l'aube. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de rattraper ses jours de jeûne précédents. Car Adi ibn Hatim radiallahu anhu était ignorant de ce jugement. Était ignorant de ce jugement radiallahu anhu. وعن أسماء بنت أبي بكر radiallahu anha قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على لقنه لأهميته. Et dans le hadith de Asma bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, elle dit que nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jour nuageux. Puis le soleil s'est levé. Donc ici, dans le hadith de Asma bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anha, ils ont rompu le jeûne avant l'heure. Ils ont rompu le jeûne avant l'heure à cause du ciel nuageux. Ils n'étaient donc pas connaisseurs de l'heure exact. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Et cela n'a été rapporté par aucun autre compagnon. Et si cela avait été nécessaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de le faire et ses compagnons radiallahu anhum n'auraient pas manqué également d'en informer et de transmettre cette information. Ainsi donc, le jeûneur, lorsqu'il mange après l'apparition de l'aube, en pensant que l'aube n'est pas encore apparue, son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper. Pareil pour celui qui celui qui a mangé après l'apparition de l'aube en pensant que l'aube n'était pas apparue, son jeûne est valide, il n'a pas à le rattraper. Pareil pour celui qui rompt son jeûne en pensant que le soleil s'est couché alors qu'il ne s'est pas couché, il n'a pas à le rattraper. Et lorsque l'heure véritable lui est apparue, lui apparaît, il se doit de s'abstenir sur le champ. Et il se doit d'extraire toute nourriture ou toute boisson présente dans sa bouche. Une personne est en train de manger le sahur. Pour lui, il est persuadé que l'heure du fajr n'est pas encore arrivée. Puis il se rend compte qu'en réalité, les piles de sa montre sont usées et que sa montre a cessé de tourner. Il se rend compte que il a dépassé l'apparition de l'aube d'une demi-heure. Dès qu'il le sait, il arrête de suite de manger. Et s'il a de la nourriture ou de la boisson dans sa bouche, il se doit de la recracher sur le champ. Car le fait qu'il mangeait et le buvait en ne sachant pas que l'heure était apparue était autorisé pour lui, car Allah Azza wa Jal nous a autorisé de boire et de manger jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Donc il était dans son droit. Il était ignorant de l'heure, certes, il ne savait pas pour cette raison particulière, mais c'était son droit. Dès qu'il a su la vérité, il s'abstient sur le champ et recrache tout ce qu'il a dans sa bouche comme nourriture et boisson. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. La deuxième condition, le fait d'être conscient, autrement dit de ne pas oublier. Si il a accompli un annulatif du jeûne par oubli, son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper. La preuve est le verset de Surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah ne nous châtie pas si nous oublions ou nous commettons une erreur. Et la preuve également est le hadith d'Abu Hurayrah radhiyallahu anhu rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui oublie alors qu'il est en état de jeûne, il oublie puis mange ou boit alors qu'il continue son jour de jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jeûneur qui a oublié qu'il était en état de jeûne et qui a mangé et bu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de continuer son jeûne, le jeûne de cette journée. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que c'est Allah qui a nourri et abreuvé ce jeûneur, cela prouve que Allah n'en tient pas rigueur, qu'Allah ne tient pas rigueur de cet oubli et que son jeûne est à la fois valide et qu'il n'a pas, il n'aura pas à le rattraper par la suite. Par contre, comme pour celui qui était ignorant de l'entrée de l'heure, il devra s'abstenir de boire et de manger au moment où il s'en rappelle de lui-même ou si une personne le lui rappelle. Et ainsi, les jeûneurs se doivent de s'entraider mutuellement dans le bien et dans la piété. Et si tu vois une personne en train de manger, surtout aux alentours des horaires du Fajr et du Maghrib, si tu vois qu'un jeûneur mange avant l'heure du Maghrib ou mange après l'heure de l'aube, eh bien, fais-lui le rappel. Peut-être qu'il ne sait pas. Et les musulmans s'entraident entre eux dans le bien et la piété. الشرط الثالث أن يكون مختارا أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. La troisième condition est de le faire de son propre gré, c'est-à-dire qu'il a accompli un annulatif du jeûne de sa propre initiative et de son propre gré. Par contre, si il le fait sous la contrainte, alors son jeûne est valide et il n'aura pas à le rattraper. La preuve est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne considère pas mécréant celui qui a commis un acte de mécréance sous la contrainte et sous la force. Il dit subhanahu wa ta'ala en sourate An-Nahl, verset 106, dans le sens du verset, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Comme ses compagnons, radiyallahu anhum, qui, au début de l'islam, étaient châtiés et devaient dire des paroles de mécréance pour se voir épargnés de châtiments et de tortures horribles. Leur cœur était plein de foi, mais leur langue a prononcé ce qui leur permettait d'être épargnés d'une torture horrible. Illa man ukrih. Allah Azza wa Jalla a fait l'exception de celui qui l'a dit sous la contrainte. Et si Allah Azza wa Jalla ne considère pas mécréant celui qui a prononcé des paroles de mécréant sous la contrainte, eh bien, le jeûne de surcroît est valide. Celui à qui on dit soit tu manges et tu bois, ou soit je te torture, ou soit je te tue, ou soit je fais telle et telle chose à ta famille. Il est sous la contrainte, il est sous la menace. Son cœur est plein de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un croyant qui obéit à Allah Azza wa Jalla et ne lui désobéit en aucun cas. Mais il se trouve dans une situation extrême où il est contraint de boire et de manger afin de s'épargner, d'épargner sa personne d'une torture ou de la mort ou d'épargner des proches personnes. Ici, le fait qu'il boive et qu'il mange sous la contrainte n'annule aucunement son jeûne. Et il n'aura pas d'ailleurs à le rattraper. La preuve également est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alayhi. Allah ne tient pas compte concernant ce que fait ma communauté par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Ainsi, si un homme impose à sa femme d'avoir un rapport intime alors qu'elle est en état de jeûne, il la contraint à avoir un rapport avec elle alors qu'elle est en état de jeûne. Ici, les savants disent que son jeûne à elle est valide et elle n'a pas à le rattraper. Quant à son mari, il lui est interdit de la contraindre à avoir un rapport avec lui lorsqu'elle jeûne un jeûne obligatoire. Par contre, si c'est un jeûne surérogatoire que la femme a jeûné sans avoir prévenu son mari au préalable, alors dans ce cas, il lui est autorisé d'obéir à son mari. Également, lorsque une chose entre dans ton corps, lorsque tu avales une chose, par exemple, qui te surprend. Comme par exemple si un aliment qui est propulsé par le vent se retrouve dans ta bouche, ou de l'eau par exemple qui se retrouve accidentellement dans ta bouche, cela n'annule pas ton jeûne et tu n'auras pas à le rattraper. Parmi les choses qui n'annule pas le jeûne et que l'on se doit de connaître et de savoir, le fait de mettre du kuhl dans ses yeux n'annule pas le jeûne. Comment on traduit le kuhl? Non? Le? Il y a un nom en français, non? Personne ne connaît? La poudre noire qu'on met dans les yeux? Hein? Al-Kuhl, ouais, c'est en arabe. Al-Kuhl, vous savez ce que c'est le principal. Donc le fait de mettre du Kuhl n'annule pas le jeûne, même si certaines poudres pourraient amener à ce que tu ressentes un goût au niveau de ta gorge, cela n'annule pas le jeûne. Car cela n'est pas considéré comme de la nourriture, ni comme de la boisson, et cela n'est également pas assimilé ni à la nourriture, ni à la boisson. Également, celui qui se fait administrer des gouttes, des médicaments qu'il introduit dans son oreille, ou celui qui met des médicaments sur une plaie, même s'il sent le goût dans sa gorge de ce médicament, surtout lorsque ce sont des médicaments qui sont assez forts et qui ont une forte odeur, on peut ressentir le goût dans sa gorge, cela n'annule aucunement le jeûne, car cela n'est assimilé ni à de la nourriture, ni à de la boisson. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et nous savons qu'il n'y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aucune preuve qui vient interdire et qui vient prouver que ces choses annulent le jeûne, à savoir le kuhl, le fait d'administrer un médicament dans ses oreilles ou de soigner une plaie. Tout ceci, il n'y a pas de preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient argumenter le fait qu'elles annuleraient le jeûne. Ceci n'étant pas présent, nous en déduisons donc et nous savons donc qu'elle n'annule pas le jeûne. Car le jeûne fait partie de la religion de l'islam. Et les musulmans, que ce soit la masse des musulmans ou les savants parmi eux, ont besoin de connaître de façon précise la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces choses avaient été interdites par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si ces choses annulaient le jeûne, eh bien cela nous aurait été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de l'enseigner à sa communauté. Et ses compagnons radiallahu anhum n'auraient pas manqué de transmettre ces informations importantes au reste de la communauté, comme ils l'ont fait pour les autres aspects et domaines de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parce que qu'aucun hadith dans ce sens n'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni un hadith authentique, ni un hadith faible, eh bien, nous avons alors la certitude que cela ne fait pas partie des annulatifs du jeûne. وأيضا لا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. Également, n'annule pas le jeûne le fait de goûter un repas tant qu'il ne l'avale pas. Lorsque la femme, par exemple, prépare à manger et qu'elle a besoin de savoir si la sauce est salée ou non, elle a le droit de goûter sans avaler. Elle a le droit de goûter sans avaler afin de s'assurer que le repas est préparé comme il se doit. Également, le fait de sentir une odeur ou de sentir de l'encens n'annule pas le jeûne. Quant à l'encens, les savants disent qu'il ne faut pas l'inhaler de façon disproportionnée, car l'encens, La fumée issue de l'encens contient des particules. Et le fait d'inhaler cette fumée de façon prononcée peut amener à ce que des particules se retrouvent dans l'estomac. Ainsi, cela ne serait pas autorisé. Également, le fait de se rincer la bouche et de se rincer le nez n'annule pas le jeûne. Quant au jeûneur, comme on l'a vu hier dans le hadith de Laqit ibn Sabura radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal asbigh al-wudu wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Dans le hadith de Laqit ibn Sabura radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplis tes ablutions de la façon la plus complète et essuie et lave entre les doigts et accentue dans l'inhalation de l'eau dans les narines, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Aydan la yuftiru bit tasawuk bal huwa sunnatun في أول النهار وآخره كالمفطرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. Également, le fait d'utiliser le siwak n'annule pas le jeûne. C'est au contraire une sunna. C'est une sunna, l'utilisation du siwak est une sunna, que ce soit au début de la journée ou à la fin de la journée. La preuve est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak lors de chaque prière. Et ceci, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une recommandation générale qui englobe à la fois les personnes en état de jeûne comme les personnes qui ne sont pas jeûneurs. Et Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises utiliser son siwak alors qu'il était en état de jeûne. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit: ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه وفي السواك غنية عنه. Il dit rahimahullah qu'il n'est pas convenable pour le jeûneur de se laver les dents avec du dentifrice, car il y a un grand risque que cela se mélange à la salive et que cela atteigne le corps et l'estomac. Puis il dit rahimahullah, وَفِي السِّوَاكِ غُنْيَةٌ عَنْهُ. Et dans l'utilisation du siwak, il y a la suffisance. Il y a la suffisance et le fait de d'utiliser le siwak t'épargne l'utilisation de, du dentifrice en état de jeûne. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه. De même qu'il est autorisé au jeûneur de faire ce qui lui permet de le soulager de la grande chaleur et de la grande soif. Ceci est rapporté par certains compagnons radiyallahu anhum. Rouya an ba'di ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahum qalu ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil 'arj yasubbu al-ma'a 'ala ra'sihi wa huwa sa'imun min al-'atashi aw min al-harr. Des compagnons ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Arj, qui est un endroit entre la Mecque et Médine, mais qui est plus proche de Médine que de la Mecque. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam asperger sa tête d'eau alors qu'il était en état de jeûne. Il l'a fait de par la soif ou la chaleur. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. Et Abdullah ibn Umar رضي الله عنه a un jour mouillé son vêtement qu'il a posé, فألقاه على نفسه, qu'il a posé sur soi alors qu'il était en état de jeûne. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه avait un grand rocher qui était creusé, qui ressemblait à un bassin, et il rentrait dedans رضي الله عنه en état de jeûne lorsqu'il ressentait une forte chaleur. Ceci afin de se rafraîchir, radiyallahu anhu. Et Al-Hassan a dit: La ba'sa bil madmadati wa tabarrudi lis-sa'im. Il n'y a pas de mal à se rincer la bouche et à se rafraîchir lorsque l'on est en état de jeûne. Lorsque ta bouche est sèche et que tu es fortement déshydraté à cause de ton jeûne ou à cause de la forte chaleur, il t'est autorisé de te rincer la bouche afin de la déshydrater, bien sûr en prenant soin de ne rien avaler. هكذا ينبغي لنا أن نتفقه في دين الله لنعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذي يتعلم دين الله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. Ainsi, le musulman se doit d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la comprendre. Il se doit de demander lorsqu'il ne sait pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Et tout ceci, le fait d'apprendre sa religion et de demander aux gens de science lorsque nous ne savons pas, tout ceci a pour but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance, de façon claire, de façon limpide, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas comparables. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils comparables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Également, apprendre sa religion est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut le bien. Il dit alayhi salatu wa salam, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut un bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Et les savants ont déduit de ce hadith que celui dont Allah ne veut pas le bien ne lui accorde pas la bonne compréhension de la religion. Sallallahu alayhi wa sallam, an yufaqihana fi dinina, wa an yu'allimana ma jahilna, wa an yaj'alana min alladhina ya'budunahu ala basira. Wallahu a'lamu sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.